Chapitre 7. Ah, ces domestiques, ils me rendront folle! En jetant cette exclamation, Madame Blanche d'Ourzen frappa du poing sur la table, autour de laquelle venaient de s'asseoir pour le déjeuner son mari Hervé et ses filles Rose et Laurette. Croiriez-vous que Mathurin m'a donné ces 8 jours en prétendant que je coupais d'eau son cidre? Eh, maman, c'est que tu allais un peu fort, il a fini par s'en apercevoir. Riposta Laurette avec son aigre petit rire habituel. Blanche d'Ourzen leva les épaules. Allons donc, pour si peu d'eau que j'y mettais, qu'il aille donc chez le vieux monsieur de Chevignon, il verra ce qu'on lui donnera à boire. Il se garderait d'y entrer, la réputation d'avarice de monsieur de Chevignon étant bien établie dans le pays. Il faut espérer que son neveu ne tient pas de lui, car alors, ma pauvre Rose. Et Laurette eut une grimace à l'adresse de sa sœur. Rose était fiancée depuis 8 jours à Émile de Chevignon, jeune propriétaire des environs, pourvu d'une large aisance. À la réflexion de Laurette, la jeune personne riposta « Je ne me laisserai pas faire, ne crains rien. Ce n'est pas pour me priver que je me marie. » À ce moment, Madame d'Ourzen prêta l'oreille. « Une automobile vient de s'arrêter. » « Oui, c'est vrai, » dit Laurette. Elle se leva, passa dans la pièce voisine et souleva le rideau d'une fenêtre. « Un monsieur descend, il va sonner. » En effet, la sonnette se fit entendre. Madame d'Ourzen demanda « Tu ne connais pas ?»« On dirait... Je ne sais trop, car je ne l'ai jamais vu de près pendant son séjour ici, mais on dirait le comte de Pénansquet. » « Le comte de Pénansquet ? » répéta Madame d'Ourzen d'un ton de stupéfaction. « Ah bien, par exemple !» murmura Hervé, non moins ébahi. Le domestique était allé ouvrir. Il introduisit le visiteur dans le salon et vint annoncer « Monsieur le comte de Pénansquet demande à voir monsieur et madame pour une communication importante. » Blanche se leva brusquement. « Viens vite, Hervé ! Une communication importante, qu'est-ce que ça peut bien être? Je ne savais pas qu'il fût au château. » Tout en parlant, elle s'approchait d'une glace et rectifiait une ondulation de ses cheveux qu'elle avait fait couper quelques mois auparavant. « Vite, Laurette, va me chercher de la poudre !» Puis elle considéra avec satisfaction la robe d'intérieur couleur géranium qu'elle étrennait aujourd'hui. « C'est une chance que Madame Lemoël me l'ait apportée hier. » « Mais tu as de vieilles pantoufles, maman, » fit observer Rose. « C'est vrai. Cours vite me chercher autre chose, Rosette. Toi, Hervé, va toujours au salon. Non, au fait, mieux vaut que nous y allions ensemble. » Bien qu'Hervé n'en comprît pas la raison, il attendit docilement que son impérieuse épouse eût chaussé d'élégants souliers et poudré copieusement son visage, pour la suivre jusqu'au salon où attendait le visiteur assis près d'une fenêtre. À leur entrée, Ivor de Pénansquet se leva et leur tendit la main. « Je ne vous savais pas à Kermazinck, » dit Blanche avec son plus gracieux sourire. « Combien c'est aimable à vous de ne pas nous oublier ?»« Je suis venu en Bretagne exclusivement pour vous entretenir d'un sujet qui vous intéresse autant que moi. »« Ah, vraiment? Quel sujet ?» « Mais asseyez-vous, je vous prie !» Ivor reprit son siège, tandis qu'Hervé et sa femme s'asseyaient en face de lui. Les yeux de Blanche brillaient de curiosité en s'attachant sur l'impassible visage de monsieur de Pénansquet. « Vous n'avez jamais su ce qu'était devenue votre jeune parente, Gwen d'Ourzen ?» À cette question, Madame d'Ourzen laissa voir quelques surprises, tout en répondant « Jamais !»« Qu'avez-vous supposé ?» Mais qu'elle avait suivi quelqu'un. Je me demande qui, par exemple. Il faut que ce soit un homme étranger au pays. Ivor eut un rictus sardonique. Vous étiez près de la vérité. La belle Gwen a été enlevée en avion par Dougal de Pénansquet et transportée à Pavala. Blanche et Hervé eurent une violente exclamation. Mais tandis que la surprise rendait muet ce dernier, Madame d'Ourzen s'écriait, avec un accent de triomphe, « Ah, la misérable petite créature! Je l'avais bien dit qu'elle finirait ainsi, avec une mère comme la sienne !»« Mais, objecta M. d'Ourzen, Comment votre fils l'avait-il connu ? Monsieur de Pennansquoette rit sourdement. Vous souvenez-vous de cette mystérieuse hindoue que nous vîmes passer au bras de Dougal le jour de la fête masquée ? De cet hindou qui excita si vivement les curiosités et qui disparut presque aussitôt ? Oui, oui. Eh bien, c'était votre pupille. Gwen, mais c'est impossible. Comment serait-elle venue et où se serait-elle procuré ce costume ? Je l'ignore. Dougal ne m'a donné aucun détail à ce sujet. Je sais seulement qu'elle avait fait sur lui, dès ce soir-là, une impression assez forte pour qu'il eût presque aussitôt décidé de l'enlever. Elle a vécu depuis lors à Pavala, où elle a mis un enfant au monde. Madame Dourzen leva les bras au plafond. « Un enfant ? Ah, c'est du joli !» Ivor de Pennansquoette poursuivit de sa voix nette et glacée. « Je pensais que le nouveau caprice de mon fils serait aussi éphémère que les précédents. » Mais il dure encore et cela gêne les projets que j'avais conçus pour lui. En outre, cette jeune personne me déplaît beaucoup. « Ah, que je vous comprends !» s'exclama Blanche avec ardeur. « Oui, vous ne l'avez pas en grande sympathie non plus, et elle vous le rend bien, croyez-le. Je sais qu'elle a fait de vous, à Dougal, le plus abominable portrait. » Le sang monta au visage de Blanche. « Est-ce possible ? Le petit monstre, moi qui l'ai recueilli, nourri, habillé. Ah, comme je voyais clair quand j'éprouvais tant de répugnance à la recevoir sous notre toit après la mort de sa mère, cette aventurière, cette créature qui a perdu le pauvre Armael. Oui, votre instinct était bon, madame. La fille ne vaut pas mieux que la mère, et ce n'est pas peu dire. Est-ce que vous sauriez quelque chose de particulier sur cette Varvara ? S'écria vivement madame Dourzen. Je sais qu'elle était une créature vile entre toutes. C'est pourquoi, retrouvant en la fille la même perversité, j'ai voulu la faire disparaître de la vie de mon fils. J'aurais pu, une fois en France, m'adresser à la police et remettre la jeune personne entre ses mains, puisqu'elle est une mineure échappée à l'autorité de son tuteur, car il ne fait pas de doute qu'elle a cédé de plein gré à la volonté de Dougal. Mais je ne pouvais admettre d'agir ainsi pour une femme portant le nom de Dourzen, si indigne qu'elle fût. En outre, je considérais qu'il me fallait prendre votre avis, puisque vous êtes son tuteur. C'est pourquoi j'ai voulu vous entretenir à son sujet, avant de mettre à exécution ce que j'ai décidé, afin qu'elle soit tenue en surveillance, ainsi qu'il convient, du moins jusqu'à sa majorité. Car si nous n'y mettions ordre, elle continuerait de déshonorer la famille après avoir si bien commencé. Blanche appuya charitablement sur ce pronostic. Ce n'est que trop certain. Ah, les bras m'en tombent de ce que vous me racontez là. Quelle histoire ! Quelle histoire ! Et alors, qu'avez-vous fait d'elle ? Que vais-je en faire plutôt ? Voici, sa maison de la Lande n'est toujours pas habitée. Non, jamais nous n'avons trouvé à la louer. « Bien, demain je l'amènerai là et je l'y laisserai, prisonnière en quelque sorte. »« Prisonnière ?» dit Hervé avec effarement. « Oui, songez, mon cher, que vous auriez le droit de la faire enfermer jusqu'à sa majorité. Elle devra s'estimer trop heureuse que, par égard pour le nom qu'elle porte légalement, vous vous contentiez de lui infliger ce demi-internement dans une demeure qui est la sienne. »« Mais elle n'y restera pas !» objecta madame Dourzen. Elle fera savoir à votre fils où elle est. Elle y restera et elle ne fera rien savoir du tout à Dougal. Je tiens son enfant à mon pouvoir. Par lui, je la tiens elle-même. En outre, je mettrai près d'elle une femme dont je suis sûre. Puis, elle sera sous la surveillance constante de son frère qui ne permettra pas qu'elle s'écarte en rien de l'existence que nous lui aurons tracée pour son expiation. Son frère ? Dit Blanche en ouvrant des yeux stupéfaits. Oui, son frère, un fils que Varvara Temnine avait eu avant son mariage avec Armael, un fils dont je suis le père, car moi aussi j'ai été, comme Dougal, épris pendant un peu de temps de la pire intrigante, de la plus dangereuse séductrice. Voilà pourquoi je puis vous dire en connaissance de cause ce que valait Varvara. Et malheureusement, j'ai pu me convaincre que nous devons dire en toute vérité « Telle mère, telle fille. »« Seigneur, je suis abasourdi. » Hervé, lui, demeurait sans parole, son regard ahuri, attaché sur l'impénétrable physionomie d'Ivor. M. de Pennansquet poursuivit. Tout ce que j'ai pu dire à Dougal pour qu'il se sépare volontairement de cette Gwen s'est heurté à l'obstination la plus complète. Cependant, je crois son caprice au déclin, et lorsqu'il ne verra plus près de lui l'enchanteresse, il l'oubliera vite. Tout de même, il se doutera bien que c'est vous. Non, car il est en ce moment très malade, et quand il sera mieux, il acceptera plus facilement le compte que je lui ferai pour expliquer l'absence de la jeune personne. Hervé Dauzen et sa femme étaient d'esprit trop borné, et cette dernière, en outre, trop aveuglée par sa haineuse malveillance pour s'apercevoir des singularités qui existaient dans les explications de M. de Pennansquet. Celui-ci poursuivit. Voilà donc, je le répète, ce que j'ai imaginé pour elle comme châtiment. Un demi-emprisonnement à Ticarec, sous la garde constante de Mevada, une métisse en qui j'ai toute confiance, et sous la surveillance de mon fils Willy, qui a pour sa sœur une particulière antipathie. Elle n'aura aucun argent à sa disposition, et il lui sera permis seulement de se promener sur la lande en compagnie de Mevada. Un boy chinois sera chargé de faire les commissions. Tous les frais seront naturellement payés par moi. Il ne reste plus maintenant qu'à savoir si j'ai l'autorisation de son tuteur. » La question s'adressait à Hervé, mais M. de Pennansquet regardait Blanche. Ce fut celle-ci qui répondit avec ardeur. « Mais je crois bien qu'il autorise. C'est un sort encore trop doux pour une misérable fille comme elle. » Hervé, ahuri et visiblement fort perplexe, balbutia. « Mais je... il me semble que... je ne sais si j'ai le droit... » « Comment si tu as le droit? Cette fille, ta pupille, s'est enfuie de chez toi pour suivre un jeune homme, et tu demandes si tu as le droit de la tenir enfermée jusqu'à sa majorité. C'est un peu fort. » « Oui, vraiment, c'est là un scrupule mal placé, mon cher Dauzen, » ajouta Ivor de Pennansquet. « La jeune personne n'en vaut pas la peine, je vous l'affirme. »« Certes, certes, » appuya Madame Dauzen. « Mais que dirons-nous pour expliquer son retour à Ticarec avec cette femme étrangère ?»« Mais vous n'expliquerez rien du tout. La lande est presque toujours déserte, et en particulier du côté de Ticarec. Comme malgré tout, on s'apercevra que la maison est habitée, ne serait-ce qu'à cause des lumières, vous direz que vous avez trouvé à louer à des étrangers. » Blanche hocha la tête. « C'est que je me méfie de cette Gwen. Elle peut s'enfuir, ou tout au moins aller se promener aux alentours, où on la reconnaîtra. »« Non, elle n'ira pas. Je prendrai des mesures pour cela. Alors, est-ce entendu? Demain, je l'amène à Ticarec. »« Demain? Mais c'est impossible. La maison est fermée depuis longtemps. Rien n'est prêt. »« Ne vous inquiétez pas de cela. Donnez-moi seulement la clé. C'est tout ce qu'il me faut. » Ah, une recommandation. Ne parlez à personne de ma visite chez vous, car je ne tiens pas à ce que mon fils sache plus tard que je me suis mêlée de cette affaire. Mais le domestique vous a vu. Est-il du pays? Non, il est de Lannion et la cuisinière aussi. Alors ils ne me connaissent pas. Recommandez la discrétion à vos filles au sujet de la présence de Gwen à Ticarec. Oh, il n'y a rien à craindre. « Mais pensez-vous que je devrais aller voir parfois cette créature? Quelque pénible que me sera sa vue, je le ferai par devoir. » Évidemment, ce sera une bonne chose d'aller exercer là-bas de temps à autre votre surveillance. Et maintenant, je vous quitte pour reprendre la route de Paris. Gwen se trouve dans les environs de la capitale, bien gardée par des gens sûrs. Demain, je la ramènerai dans ma voiture. Ah, encore une recommandation. Dites-lui, comme je le lui dirai moi-même, que Dougal est mort, mystérieusement assassiné. C'est préférable. » Sur ces mots, Ivor se leva. « Je vais vous chercher la clé de Ticarec, » dit Blanche. Quelques minutes plus tard, Ivor de Pennansquet remontait dans la voiture qui l'attendait. Blanche se tourna vers son mari, qui restait immobile à l'entrée du vestibule, la mine abasourdie. « Eh bien, en voilà une affaire !» dit-elle, la voix assourdie, mais le regard triomphant. « Quand je te le prédisais, que nous verrions de belles choses avec cette petite-là. » Par la porte entr'ouverte de la salle à manger, Laurette montra sa figure frémissante de curiosité. « Qu'y a-t-il, maman ?»« Ah, c'est une histoire. Mais tout à l'heure, je vous dirai cela, mes petites. » D'un coup d'œil, Madame Dourzen désignait la cuisine. « Déjeunons d'abord, et puis nous parlerons à loisir de cette affaire. » Le déjeuner fut prestement expédié. Rose et Laurette, talonnées par le désir de connaître le motif de cette visite, ne tenaient pas en place et Madame Dourzen n'était pas moins pressée de parler. Quant à Hervé, visiblement, il n'était pas encore revenu de la surprise que lui avait causé cet entretien avec Ivor de Pennansquet. « Allons dans ma chambre, dit Blanche, nous y serons plus tranquilles à cause des domestiques. Et souvenez-vous bien, mes petites, que vous ne devez parler à personne de ce que je vais vous apprendre. » Cette recommandation n'était pas pour diminuer la curiosité des demoiselles Dourzen. Elles suivirent leur mère au premier étage, tandis qu'Hervé s'en allait fumer dans le jardin. Les jeunes personnes jetèrent de beaux cris en écoutant le récit de leur mère, agrémenté de commentaires variés. Mais ce qui les frappa le plus, ce fut d'apprendre que cette mystérieuse hindoue, qui avait si fort intrigué les hôtes de Pennansquet le jour du bal masqué, était Gwen. Gwen, la Cendrillon de Coatbé ? Ça, c'est invraisemblable, déclara Rose. Où aurait-elle pris ce costume ? Je ne puis me l'expliquer non plus, dit Madame Dourzen. Cependant, Monsieur de Pennansquet l'affirme absolument. Voyons, c'est fou ! Elle ne quittait jamais la maison, si ce n'est pour aller de temps à autre au village. Et ce n'est pas là où elle aurait trouvé un costume de ce genre. Et puis, avec quoi l'aurait-elle payé ? Je te concède que c'est là le plus complet mystère. Mais enfin, il faut bien admettre ce que nous dit Monsieur de Pennansquet, car il n'a pas été inventé cela. Quelle odieuse petite créature ! Dit Rose d'un ton de vertueux mépris. Ah ! Elle n'aura pas volé la punition que lui inflige Monsieur de Pennansquet. Pendant longtemps encore, la mère et les filles épiloguèrent sur ce sujet palpitant, dans lequel se complaisait leur malveillance à l'égard de Gwen. Mais toujours revenait cette question, insoluble pour elle. Comment s'est-elle procuré ce costume hindou ? Car jamais elle n'avait soupçonné les relations existantes entre Mademoiselle Herminie et Gwen.